bien, tu ne veux douleur. Goûte au poil de la bête, dans le bouillon social. La vapeur sous le couvercle, un poison que tu inhales. Nos résolutions touchent à tous les amygdales. De ton plan de sauvetage, la douleur vaginale. L'abominable France d'en bas s'installe. La bête indomptable te met à l'horizontale. Observe les chauves-courets, annonce la couleur. Devant les caméras, dans ton collimateur. Tu es le métronome qui tape à 13 et 20 heures. Le maître mot qui jacte ta bonne entendeur. Je crache dans ta purée, je touche à ta pudeur. Je t'adresse mes commérages avec mes vœux de douleur. Sous-signé, la France qui s'engage. Écrase tes couleuvres, s'approche de l'outrage. Tu veux qu'on trime plus, tu peux te lever de bonheur. C'est l'autoprod, ça n'aura pas pour du beurre. Tout nous veut douleur, v'là le gain. La partie qu'on veut oublier, mais un divin. Ici la cour des miracles, la cité de Dieu. On crie là qu'on existe, même loin des pieux. Tout nous veut douleur, v'là le gain. La partie qu'on veut oublier, mais un divin. Ici la cour des miracles, ou la cité de Dieu. On criera qu'on existe, même loin des pieux. Maintenant, y'a plus de politique, y'a que du prolifique. La polémique, faut que la crise, on n'est pas en Amérique. Tous mes vœux de couleur à qui oublie le rap français. La parole foncée, toujours prêt à défoncer. On sait que chez nous, y'a pas de star accro, ni de secret story, on reste pas du même magot. Ici on parle pas juste de la caillasse. Y'a le style de vie que vous avez, chauffe les apaches. Maintenant mes frères se déguisent pour avoir des femmes. Nique sa race, la techno, ici une frile infâme. Hip hop for life, mais verser une vague de l'âme. Le rasoir auditif, cause anti-profane. On n'est plus dans les rêves, faut du concret. Faudrait que Sarko saute avec ses lois et ses vices. Qu'on licencie plus, qu'on donne plus aux écoles. Pour que les gangsters soient plus nos idoles. Tout nous veut douleur, v'là le gain. La partie qu'on veut oublier, mais un divin. Ici la cour des miracles, la cité de Dieu. On criera qu'on existe, même loin des pieux. Tout nous veut douleur, v'là le gain. La partie qu'on veut oublier, mais un divin. La cour des miracles ou la cité de Dieu. On criera qu'on existe, même loin des pieux. C'est la période des étrennes, vas-y viens, faut qu'on traite. Les lionceaux dans l'arène viennent te dire qu'on s'empête. Qu'on prendra tout ce qui traîne, sans penser à la retraite. Qu'on perdra toutes nos peines en se grisant dans une fête éternelle. Depuis toujours les mêmes font la part belle. Les portes se ferment, notre culture devient confidentielle. J'en voudrais toujours plus, ferme les yeux, tu verras mieux orienté vers le ciel. Reçois nos vœux de douleur, pour ces mères qui s'endorment dans la peur. Pour tous ces gosses perdus qui se noient dans leurs pleurs. Pour ceux qu'on prend vécu, vieillis bien avant l'heure. Ceux qu'on perdu leur force, ceux qu'on blesse dans l'erreur. Consomme ceux qui tiennent les manettes, nourrissent de nos malheurs. On mord à l'hameçon pour mieux briser les leurs. Tout nos vœux de douleur, v'là le gain. La partie qu'on veut oublier, mais un divin. Ici la cour des miracles, la cité de Dieu. On criera qu'on existe, même loin des pieux. Tout nos vœux de douleur, v'là le gain. La partie